Première Loge, votre magazine culturel avec François Beauregard. Bon après-midi, c'est François qui vous souhaite la bienvenue. C'est aujourd'hui une journée triste. J'apprenais ce matin le décès de M. Jacquard, Albert Jacquard, le grand généticien qui était venu nous visiter à quelques occasions et s'était même entretenu, si ma mémoire est bonne, avec des élèves d'école, évidemment, mais j'allais dire effectivement des élèves et non des étudiants, dans la mesure où c'était du côté du primaire, et c'était quelque chose qu'il aimait bien faire, parler avec les enfants. Au cours de l'émission, là, si on trouve un tout petit peu de temps, je reviendrai pour vous donner quelques notes sur lui, parce que j'étais en train de lire quelques articles et donc des faits le concernant qu'on peut avoir oublié ou qu'on peut ne pas connaître tout simplement, dans, entre autres, ses champs d'intérêt puis les causes, j'allais dire qu'il aimait bien défendre, mais en tout cas, auquel il aimait bien nous éveiller, disons-le comme ça. On va aujourd'hui parler de paix, une exposition qui va être présentée par le Repère des Sans-Talents. On pourrait le dire que ça va en fait dans le sens aussi de cette Journée internationale de la paix qui va se tenir le 21 septembre. Alors, c'est à la galerie, donc, le Repère des Sans-Talents du côté de Montréal, sur la rue Saint-Hubert. On va en parler avec Luc Poudrier et puis l'artiste peintre Jian Mossalim. On va évidemment parler de l'initiative, pourquoi souligner et de cette façon-là, mais certainement aussi qu'on va explorer un peu le travail de création de Jian Mossalim. On va, puisqu'on va parler de paix, petite chanson qui fait un clin d'œil justement au sujet, mais c'est avec l'humour que vous connaissez probablement de Michel Rivard, et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Première Loge, votre magazine culturel avec François Beauregard. C'est un matin de printemps, je suis seul chez moi. J'essaie d'écrire comme il se doit, quelque chose de grand, quelque chose de savant. Sur la paix, justement, je cherche une image, un symbole, une phrase, une idée géniale qui servirait de base à un texte géant. Alors voilà, je suis là et j'attends, j'attends. Soudain de la rue monte une rumeur sauvage, de vacarme confus, d'une querelle de ménage. Un homme, une femme sur le trottoir d'en face se pitch des chars de bêtises en pleine face. C'est pas dans ma nature de jouer les voyeurs, mais vu la température et puis le bonheur, je tends l'oreille, j'attrape quelques mots que je vous rapporte. Illico, il sac-moi la paix, fiche-moi la paix, elle répond, fous-moi la paix, ensemble, calisse-moi la paix. Quelle étrange coïncidence, me dis-je en moi-même, on me parle de paix, mais voilà le problème, on se sert de gros mots, des mots de la guerre, des mots que je ne répéterai jamais à ma mère. Alors, n'écoutant que mon courage, je crie, surveillez donc votre langage, si vous voulez la paix, c'est déjà dans les mots qu'il faut la désirer, alors dites. Danse-moi la paix, chatouille-moi la paix, caresse-moi la paix. C'est mieux. Sans attendre l'issue de cet altercat, retourne au travail et la révélation. bon sens, c'est bien, c'est une leçon dans cette brève aventure. Michel Rivard qui bégait, mais c'est pas à cause de l'âge, hein? C'est effectivement un petit problème avec l'ordinateur. Je vous indique que, parlant de Michel Rivard, il sera de la distribution du FIL, le Festival international de littérature, et on va avoir l'occasion d'y revenir, justement, à cette programmation du FIL dans les jours à venir, parce que c'est très, très bientôt que ça va s'amorcer. On parle de cette exposition, donc Expo pour la paix, et avec nous pour en parler, Luc Poudrier, qui est galeriste, organisateur également. Luc Poudrier, bonjour. Bonjour. Et l'artiste peintre Jeanne Mossalim, bonjour. Bonjour. Alors donc, cette exposition, je disais tout à l'heure que c'est dans le cadre de cette journée de la paix qui est célébrée le 21. En fait, le fonctionnement de notre galerie fonctionne avec des sujets et des thèmes à tous les mois, à peu près. Oui. Donc, on propose aux artistes de participer à des thèmes différents. Et on essaie de les accrocher à des événements qui sont externes. Donc, comme au printemps, il y avait le 30e anniversaire de la guerre des étoiles, on en a fait une exposition là-dessus, sachant que d'autres événements auraient lieu ailleurs dans le monde. Pour le mois de septembre, on savait qu'il y avait la journée internationale de la paix. On voulait faire une exposition là-dessus. Et puis, on trouvait que c'est un sujet qui est porteur pour les artistes. Mm-hmm. Une journée, pour nous, c'est pas suffisant. Je pense qu'on pourrait y accorder beaucoup plus de temps. Oui. Je sais, entre autres, qu'ici au Québec, il y a des gens qui souhaiteraient qu'il y ait éventuellement un ministère pour la paix, éventuellement, qui est un concept, des fois, qui est dur à vendre. Mais accorder une journée par année, c'est très peu. Donc, nous, c'est à peu près presque un mois. Okay. Jusqu'au 6 octobre, on aura une exposition. Et ça s'amorce, en fait, avant le 21, là, c'est oui, commencé, on commence, là. Oui, on commence, c'est déjà commencé. Oui. Le vernissage pour rencontrer les artistes, c'est dimanche le 15. Oui. C'est une bonne occasion de rencontrer les gens. Oui, on va mettre ça dans notre calendrier tout de suite, puisque vous donnez la date. Je vais quand même donner l'adresse aux gens. On leur donnera, là, à la fin de l'entrevue, le temps que vous allez chercher papier crayon. C'est sur la rue Saint-Laurent? Saint-Hubert, pardon. 58-67 Saint-Hubert. On est vraiment tout près du métro Rosemont. Vraiment tout près. 58-67 Saint-Hubert. D'accord. Et on le rappelle, le vernissage est à 15h. C'est. Le 15. Et le 15, et c'est entre. 4h30 et 9h. D'accord. On va tout de suite se tourner du côté de notre artiste, Jeanne Mossalim. Oui. Luc disait que c'est un sujet qui est porteur, qui peut être inspirant. On regardera aussi là, un peu ce que les autres peintres. Mm-hmm. auront amené, parce que, évidemment, vous avez monté l'exposition. Mais si on se penche sur votre travail à vous, Jeanne, qu'est-ce oui. que, premièrement, quand on vous a abordé... En fait, c'est moi qui ai cogné à leur porte. Ah oui? Ah bon, d'accord. C'est plus ça. Dans les arts, il faut être proactif, c'est ah, bon. Ah ouais, définitivement. Sinon, ça prend du temps avant que quelqu'un vienne te voir. Donc, voilà, j'ai vu leur annonce, je me suis dit, ah, mais ça marche avec qu'est-ce que moi je fais. Alors, ils avaient annoncé, vous aviez annoncé oui. la thématique. On annonce sur les réseaux, sur Internet surtout. D'accord. Les artistes sont invités, donc, à ce moment-là, soit qu'ils créent leurs propres œuvres par rapport au thème, ou les artistes qui ont beaucoup de productions peuvent piger dans leurs productions déjà existantes puis présenter des choses. Alors, vous, quand vous avez cogné, aviez-vous déjà quelque chose? J'avais déjà... Ouais. En peinture, j'avais pas mal des sujets qui traitaient justement plutôt la guerre plutôt que la paix, mais je pense oui. qu'un va bien avec l'autre. Ouais. Donc, j'ai fait une sculpture, vraiment un petit garçon habillé en soldat en sculpture. J'avais déjà une peinture de ça. Donc, j'aime bien jouer avec les enfants puis les moments plus difficiles, que ce soit conflit avec les guerres ou conflit juste dans leur environnement. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui, étrangement, qui m'attire oui. dans la souffrance des enfants. Oui. Je sais pas, je trouve ça... Bien, c'est antinomique. On a tendance à penser à l'innocence quand exactement. On pense à l'enfance. Oui. Et là, c'est dans un contexte de guerre, par exemple. Oui, je l'ai vu, cette sculpture. Oui. C'était en quelle matière? Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu sur Internet. Là. Ah, c'est en argile. Moi, en qu'est-ce argile. Que, qu'est-ce que je travaille, oui. D'accord. Puis je leur mets des yeux de verre, ça fait un regard spécial. Oui. Assez réel quand même. Oui. Et est-ce que, quand je l'ai vu vite, puis je l'ai vu en petit, ça m'a fait penser à, par exemple, ces enfants allemands dans les mm-hmm. jeunesses hitlériennes ou quelque chose comme ça. Mais ça aurait, c'est peut-être aussi un plus britannique, plus canadien, je ne sais pas. Oui, est-ce qu'il y a fait, un... Oui, il est américain. Il est américain. Oui, il est américain. D'accord. Dans le fond, quand les parents revenaient de la Deuxième Guerre mondiale, puis il y avait les petits-enfants en uniforme, puis un peu pour imiter leurs parents aussi. Mais oui, c'est un uniforme américain. Dans le fond, je travaille beaucoup avec l'Amérique. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de pas trop aller du côté européen pour l'instant. Je me concentre vraiment sur l'Amérique. je pourrais pas vous dire pourquoi ça m'intéresse, l'histoire américaine. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées aux États-Unis, qu'on en parle moins, disons, que l'Allemagne ou comme d'autres pays européens, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu pas mal de choses comme des camps d'internement aux États-Unis avec les Japonais qui étaient... On n'en parle pas. Donc, j'aime ça, travailler un petit peu, sans aller trop dans la controverse, puis juste les mettre un peu à jour, puis on n'oublie pas ça, il y a aussi Le contexte historique est pour vous, donc, assez inspirant? Oui, ouais. Cette histoire-là, oui. Celle-là? Moi, mais celle-là, oui, ça m'intéresse. Ouais. Luc Poudrier... Bon, ça, c'est un exemple travail que tu as fait. Un truc qui rejoint un peu son travail, c'est que beaucoup des œuvres qui sont présentées, je sais que l'auteur désignait une situation, mais très souvent, la guerre a peut-être ça de moche, c'est qu'elle se ressemble partout. Elle est universelle dans ce qu'elle représente. Là, ouais. Et la souffrance, il y en a des gens qui viennent de régions qui subissent la guerre ou qui ont subi récemment la guerre. Donc, c'est des témoignages différents, et c'est ça qui est un peu... autant c'est affreux de réaliser que la guerre est semblable partout, mais en même temps, ce qui est semblable, c'est que les humains sont semblables puis que la souffrance est égale. Donc, c'est des témoignages qui sont intéressants à voir aussi, à découvrir. Qu'est-ce que... Bien, premièrement, il y a combien d'artistes qui participent? Il y a... en fait, moi et ma copine Adeline, on est les galeristes, mais on participe, on est des artistes aussi, donc on soumet des œuvres. Si on s'exclut, il y a 24 autres artistes qui présentent des œuvres. Donc, c'est... Puis vraiment... de différentes origines, puis des âges très différents, de très, très jeunes à pas mal plus âgés. Et puis, c'est intéressant. On aime les galeries, les expositions collectives, parce que pour les gens qui nous visitent, ça serait étonnant qu'ils soient déçus à 100 % parce que dans le genre, il y a tellement de choses à voir, il y a quelque chose qui va plaire à quelqu'un. Oui, oui, bien sûr. T'sais. Non, non. Mais d'ailleurs, j'ai vu quelques-unes des images, des œuvres, et ça nous parle, même si, pour une raison ou pour une autre, le style pourrait ne pas nous plaire, il y a des images qui sont frappantes quand ça rappelle des comme l'intifada, des guerres qui se passent dans les rues, des conflits civils, tout ça. On ne peut pas faire autrement que de se sentir interpellé quand même, puis de réfléchir un peu. Ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que la condition humaine est semblable. T'sais. Et Pierre Desproges avait ce mot d'esprit qui disait « L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi ». Et c'est ça le problème, c'est de dire l'ennemi est identique, il souffre. D'ailleurs, c'est le titre, on a changé sur les affiches pour notre exposition, on a écrit « Si ton ennemi a faim ». Oui. Et c'est l'apôtre Paul, je ne me trompe pas. C'est Paul. C'est l'apôtre Paul qui avait dit « Si ton ennemi a faim, nourris-le, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire ». Le reste de la parabole est plus complexe, qui dit, en fait, en se faisant, tu porteras sur sa tête des charbons ardents. Ça semble être une torture, mais en fait, c'est qu'il faisait une référence à un procédé métallurgique dans lequel on mettait du minerai dans un four. En rajoutant du charbon sur le minerai, le charbon se laissait augmenter la chaleur, faisait fondre le minerai et purifiait le minerai. Donc, le geste d'attendrissement envers son ennemi peut purifier l'ennemi et peut l'amadouer, finalement. Mmh. Et dans tous les conflits, c'est ce qui devrait être on devrait tendre à rechercher à essayer de comprendre l'ennemi. Ben, c'est d'ailleurs c'est ceux qui ont vécu des combats finissent généralement par se rendre compte que la personne qui est en avant d'eux, c'est quelqu'un qui, tout simplement, comme lui, a été envoyé au front et avec puis une arme. Ce qui est particulier, c'est que le temps, finalement, finit pour prouver que, finalement, si on pense justement à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, tout ça, finalement, tout le monde fait commerce ensemble aujourd'hui, avec les Américains, avec la France et tout ça. Tout le monde a oublié. Fait que si c'est une question de quelques années, quelques décennies, puis qu'on se réconcilie, mais on se dit, mais finalement, sur le moment, faisons l'effort de dire, de se retenir, et puis de dire, cherchons une solution négociée. Et puis d'ailleurs, il y a deux grandes études qui ont été faites par des universités qui démontraient que finalement, les conflits, s'ils sont réglés par des moyens juridiques ou politiques, se règlent plus rapidement que par l'aspect militaire. L'aspect militaire a toujours tendance à s'embourber et à créer un plus grand problème. Ça serait beau être des avocats, ça coûterait quand même probablement moins cher qu'une guerre. On va regarder un peu plus votre travail, Gianne, mais avant de se faire quand même, je demande à Luc, on a, bon, vous avez dit qu'il y a une vingtaine là, d'autres artistes, entre 20 et 25. qu'est-ce qu'on pourra voir, là? Des images que... Par exemple, celle dont vous venez de parler, ouais. là, si ton ennemi a faim, de nuit à manger, si la soif, de nuit à boire. Ça, c'est un soldat qui fait, sur un cheval. C'est ma copine Adeline qui a créé, et c'est un peu son univers. Elle crée souvent ce qu'elle appelle les docteurs peste, oui. qui font référence aux personnages, les médecins à l'époque, comme, de la peste. Se mettait un masque qui avait l'air d'un... De corneille ou d'oiseau, ouais, là, ouais. Qui ressemblait à la comédienne d'Alerté. Ouais. Et puis, en fait, ce personnage-là revient dans ses tableaux, ce genre de personnage mystérieux. Et là, en fait, c'est inspiré d'un soldat de la Première Guerre mondiale, un soldat allemand. Et puis, c'est juste pour montrer un peu l'aspect un peu lugubre. Oui, qui est à cheval. Oui, c'est... Et le cheval qui, d'ailleurs, ben, c'est ça, c'est qui très... a l'air d'avoir un petit peu faim. Ouais. C'est une exposition sur la paix, c'est ça, c'est ce qu'on aborde également. Moi, je supporte ça. Pour parler de la paix, il faut faire comprendre aux gens c'est quoi la guerre. Et la guerre, ça fait peur. Et donc, des images comme ça qui font peur, moi, je suis tout à fait pour qu'on en présente. Puis le plus choquant, c'est bon, que les gens réalisent que la guerre, c'est moche. Quelles autres images vous aurez interpellées là, dans ce que vous avez monté? Il y a un jeune créateur, Julien Trésor. Lui, c'est plus l'injustice qui parle. Et c'est étrangement, c'est très coloré. Il réussit à créer une image très... ça fait très, très graffiti aussi. Ça accroche, mais quand même beaucoup de styles. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont plu. Et il y a des installations. Il y a une dame, Vesna Nestorovic, c'est une installation. En fait, les gens sont invités à prendre un moment. Il y a une image à regarder. Il y a un endroit spécifique. On peut faire un peu comme une prière, un moment de pause pour la paix. C'est un peu interactif, puis dire, ben, vous contribuez à la paix en ne faisant pas d'action violente, c'est plus ou moins. Et puis, il y a quelques autres sculptures, mais c'est principalement des tableaux et des dessins qui sont présentés. Jeanne, oui. Premièrement, votre garçon qui est habillé en militaire, à quoi il pense? Qu'est-ce qui se passe? Faut lui demander. Oui, je sais, mais il ne parlera pas, c'est une sculpture. Je pense que c'est ça, je joue beaucoup avec la mélancolie puis l'espoir peut-être de quelque chose de mieux. Je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vous dire. Mais la mélancolie est tout le temps présente dans qu'est-ce que je fais puis dans mon travail. Donc, peut-être de retour en arrière ou retour d'une enfance plus relaxe et plus... ouais. Vous dites que la mélancolie est souvent présente dans votre travail, même quand vous explorez d'autres thèmes que celui de la guerre. Définitivement, oui. Je pense que c'est le fait que je joue beaucoup avec l'enfance et les enfants, parce que quelque chose par rapport avec moi... Je sais pas. Parce que les enfants ne sont pas mélancoliques Non, c'est en revenant, étant adulte, en exactement. En ayant perdu l'enfance. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Donc, j'ai beaucoup, c'est ça, avec des images un peu plus historiques, des images qui datent, moins récentes. Je sais pas. Je joue beaucoup, c'est ça. Et vous utilisez plusieurs médiums? Parce que là, vous disiez que cette sculpture-là, elle avait un autre point de départ qui était peut-être... Oui, bien, il y avait une peinture, en fait, d'un garçon soldat, puis Qui était la vôtre? Oui. D'accord. Oui, je suis principalement peintre. Mm-hmm. Je fais des sculptures à côté, de temps en temps, quand j'ai besoin de travailler un autre matériel. Donc... S'il y a des artistes en art visuel qui nous écoutent... On peut entrer en contact avec vous, j'imagine, dans la mesure où vous dites que vous utilisez les réseaux sociaux. Oui, plus facile, c'est par Internet, en fait. Ouais. Puis le nom aussi est facile à retenir, là, collectif, non, pas collectif, mais le repère des 100 talents. Le chiffre 100, c'est un jeu de mots volontaire. Ouais. Le repère des 100 talents. Et puis, par Internet, c'est facile, on nous trouve. Si vous googlez, vous allez nous trouver. Oui, il y a un blog aussi. Oui, il y a un blog. Ouais. Puis le blog et la page Facebook aussi donnent les coordonnées par téléphone si les gens veulent nous téléphoner. Donc, de mois en mois, il y aura des thèmes différents. Juste celui précédemment, c'était sur les objets recyclés. Donc, par moment, on a des expositions comme ça qui sont un peu à portée sociale, mais on a également des expositions, comme je parlais tout à l'heure, de Star Wars, la guerre des étoiles. C'est un peu plus populaire. Donc, on change de mois en mois des thèmes comme ça. Intéressant. Alors, on rappelle donc cette exposition... Expo pour la paix, qui porte le titre... Si ton ennemi a faim, qui est commencé présentement, le vernissage le 15, dimanche le 15, de 4h à 9h, de 14h à 9h, et puis ça dure jusqu'au 6 octobre. Et puis on est ouvert tous les jours, sauf les lundis. Au 5867 rue Saint-Hubert, à Montréal. Après. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée le 21, une bonne journée. Oui, on va fêter ça, c'est sûr. Pour la paix, bien sûr. Oui. Et alors donc, Luc Poudrier, merci encore. Et Jeanne Mossalim, merci. Merci à vous. On écoute en musique, c'est Oxmo Puccino. C'est un artiste que je vous ai déjà fait entendre une fois. C'est un style que vous allez aimer ou pas, mais il a remporté des prix récemment en Europe, des prix importants, et il a toujours un propos fort intéressant. Alors, le voici. Vous écoutez Première Loge, votre magazine culturel avec François Beauregard. Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit ce gosse, non, je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai pensé à tuer un homme, donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter, alors je me tais lorsqu'il est trop tard pour bien faire. Comment apprécier la paix sans la guerre? Comme la fin et le début, les deux font la paire. Je viens déclarer la paix sans heurts. Quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix. I guess I'm in the race. I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone. I'm in my. Cette audace de parler de paix. Pendant la fin des temps, chanter contre ce futur sans précédent. Il le faut, ce monde c'est le nôtre. Je pense qu'on tire bénéfice du bien de l'autre. Inquiet, car au fond je sais, le malheur de l'un ne fait le bonheur de personne. Comprenez, guérir est la seule porte. On ne peut que périr sous la loi du plus fort. La patience est plus efficace que la force. Raison pour laquelle je ne milite pas. Qui insulte la paix ne la mérite pas. Chacun touchera sa part de l'héritage. I guess I'm in the race. I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone. I'm in my. Oxmo Puccino, je vous rappelle son nom. Je cherche. On va. Oui, on a une minute pour parler d'Albert Jacquard. Je vous disais en début d'émission, décès d'Albert Jacquard, le généticien. Donc, il nous quitte à l'âge de 87 ans. C'est des suites d'une leucémie. Président d'honneur de l'association Droit au logement. Il était né à Lyon en 1925 dans une famille de la bonne société quand même. Le scientifique s'est fait connaître du grand public grâce à ses ouvrages et a surtout marqué les esprits par son engagement associatif et ses positions humanistes. On l'a vu en fait servir la cause des mal logés, des sans-papiers dans les années 90, entre autres lors de l'occupation de l'église Saint-Bernard. Albert Jacquard était aussi connu pour démonter les arguments prétendument scientifiques de théories racistes. Évidemment, depuis l'annonce de son décès, les réactions s'enchaînent. Même ici aussi, Hubert Reeves, qu'on a pu entendre, peut-être l'avez-vous entendu aujourd'hui, vous allez probablement le réentendre dans les bulletins télévisés, fort probablement, parce qu'il était quand même assez proche. Des faits que vous pourriez ne pas connaître sur Albert Jacquard, je les découvre en même temps que vous. Là, il y en a que vous connaissez possiblement. Alors, il était militant de gauche, évidemment. On peut dire de lui qu'il s'interrogeait sur le bien fondé des prisons dans son ouvrage « Un monde sans prison » qui est sorti en 1993. C'était une question qu'il explorait. Il soutenait que l'on pouvait supprimer le passage derrière les barreaux, moins pour l'immense majorité des détenus. Selon lui, il y a 5 % des condamnés qui ont commis des crimes graves qui méritent l'enfermement. Pour 95 % restants, il n'en voyait pas l'intérêt parce que la prison est un lieu où les petits délinquants deviennent de futurs grands délinquants. C'est quelque chose dont on a déjà parlé ici aussi, évidemment. Il était plutôt pessimiste quant au sort de l'humanité. Il y a entre autres une entrevue là, qui est parue dans Paris Match en 2009 où il disait « Notre monde court à la catastrophe dans la mesure où on voit, mais on ne réagit pas. Il était aussi écrivain, évidemment. Dans sa jeunesse, il avait publié précédemment « Dans ma jeunesse », c'était une autobiographie. Et il était évidemment contre l'arme nucléaire. Avec le philosophe Stéphane Hessel, il prônait le désarmement nucléaire total, une question dont on parle encore aujourd'hui dans les actualités. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà le temps de se dire au revoir. On va se retrouver demain pour une autre édition de Temps libre. Je vous invite à demeurer avec nous. Dans un instant, c'est Marianne Poggi qui sera là pour l'émission Entracte. Ce sera suivi de Hors-Champ en compagnie de Daniel Turcotte. Il y aura les nouvelles internationales de Radio Vatican à 18h. Parmi les émissions de soirée, Chrétien du Moyen-Orient à 19h, Au cœur du monde avec Aziz Ferres à 20h, C'est Chemin protestant à 21h, et Vivante poésie et J'écoute le cinéma à compter de 22h. Ce sera évidemment suivi de nos émissions de nuit. C'est François Beauregard qui vous souhaite encore une fois de passer une très, très bonne fin de journée, une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit à notre antenne. Et on se retrouve demain dès 16h30 pour une autre des Premières Loges. Au revoir. Thank you.